Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Au début de l'année 1990, les socialistes créent le label Banlieue 89. Ils espèrent transformer les banlieues les plus dégradées en véritables villes, et pour ça, ils sélectionnent 91 sites. Ça s'appelle 89 en référence à la Révolution, et c'est porté par les architectes du collectif du même nom, qui avait déjà été sollicité par les socialistes quelques années auparavant. Ces urbanistes imaginent faire de la ville et de sa banlieue un ensemble homogène. Comme l'explique l'architecte Cantal Dupart, on constate souvent une cassure nette entre la ville et la banlieue. Place maintenant à nos préoccupations quotidiennes avec l'un des problèmes majeurs de notre société, le bien ou le mal vivre dans nos banlieues. Une association, Banlieue 89, propose des solutions. La première étant de rendre vie à ces villes dortoirs, de les rendre belles alors qu'elles sont laides. Il faut dire que le principal animateur de cette association est un architecte, Roland Castro. Enquête de Jacques Violet et Jean-Louis Normand. En 85, deux expositions lançaient l'opération Banlieue 89. Quatre ans plus tard, les acteurs du projet, des intellectuels, des architectes, des urbanistes et des élus locaux se réunissent pour faire le point. En quatre ans, 110 projets ont été réalisés ou sont en cours pour changer l'image de la ville. Pour les villes volontaires au changement et pour leur maire, c'est l'heure d'un premier bilan. Échec quand j'ai échoué lorsque j'ai pas su réhabiliter convenablement un quartier, échec lorsque j'ai pas mis en ordre une rue qui le méritait de l'être, mais succès lorsque les habitants vivent bien dans leur quartier, lorsque les habitants se sentent bien dans leur quartier et quand ils me réélisent. Exemple d'une réhabilitation globale réussie, la ville d'Oulins, dans la banlieue lyonnaise, désenclavée en embellissant. On a construit ici 80 logements HLM en plein centre-ville. Aujourd'hui, pour Roland Castro, l'animateur de Banlieue 89, il faut plus d'argent pour continuer ses actions. Il aime à dire que là où ça va le plus mal dans la ville, il faut le plus d'innovation. On a besoin de 200 millions par an pour faire 100 projets par an. En 6 ans, ça ferait 600 projets avec 600 projets. En 6 ans, à mon avis, on commence à vraiment modifier l'image urbaine de la France qui ne va pas bien, du point de vue urbain, donc c'est sérieux. Donc il me faut absolument 200 millions par an pour fonctionner. Et que des projets se fassent. Pour cette équipe de militants, il s'agit de transformer les paysages urbains avec une approche culturelle. En l'an 2000, 80% des Français vivront dans des villes. Ils demanderont alors des comptes aux architectes et aux élus locaux qui les auront construites. Quand on voit les images de la vidéo de Lina, on mesure comment les villes d'Île-de-France ont évolué, avec souvent les centres commerciaux qui sont devenus des lieux centraux, avec des dalles, avec des accès aux transports. En fait, l'idée, c'était vraiment de rompre la ligne de démarcation en réfléchissant l'éclairage public, la lumière urbaine, les transports publics, l'intégration urbaine, la prévention, la sécurité du commerce et de l'artisanat en zone urbaine sensible, puisque c'était une période où il y avait beaucoup de braco, les plateformes de services publics, les paysages, tout ce qui relevait aussi du domaine culturel, comme les bibliothèques évidemment, mais aussi l'expression des cultures, qui à ce moment-là connaît un essor avec... la naissance des cours de danse africaine, de djembé, de danse orientale, de rap, etc. Ce début des années 90, c'est toujours le même phénomène, les quartiers s'appauvrissent, il y a ce mouvement des familles qui arrivent à quitter le quartier, à aller dans le résidentiel, et puis celles qui restent et pour qui l'État n'investit pas suffisamment. La loi Besson est mise en place qui reconnaît le droit au logement, avec notamment le Fonds de solidarité logement qui est créé. Avec cette loi, le droit au logement devient un droit de solidarité pour la nation. Enfin, en tout cas, c'est le vœu pieux qui est formulé parce que la population se paupérise et qu'il y a besoin d'agir. Cette année-là, pour les luttes, elle est importante aussi. C'est la naissance du Comité national contre la double peine. Inspiré par la grève de la fin 86 des JALB, les jeunes arabes de Lyon et sa banlieue, Mohamed Hossein a l'idée avec d'autres de fonder le Comité national contre la double peine. Alors lui est directement concerné, vous pouvez d'ailleurs lire son histoire dans la revue Indigène du Pire de juin-juillet 2007. Dans ce comité, ils veulent sensibiliser les pouvoirs publics, l'opinion publique au niveau local et national, mais ils veulent surtout regrouper les dossiers des personnes concernées. Mais la première de leur mission, c'est de défendre les dossiers individuels via des recours en contentieux ou des recours en grâce. Le côté activiste des actions et des campagnes, ça c'est en complément. Ils ouvrent un local rue de Malte où ils reçoivent les familles. Ils font aussi de la radio parce qu'à l'époque la radio libre et associative c'est un outil des luttes équivalent à ce qu'est Internet aujourd'hui. Ça permet de toucher un public large et aussi un public inaccessible comme les détenus ou les gens en rétention. Des militants d'ailleurs utilisent la radio pour ça, pour passer des infos sur les droits, sur les affaires en cours. Mohamed Hossine explique que le terme double peine traduisait un bannissement des temps modernes, c'est juste qu'on n'envoyait plus les gens au bagne. Ce comité a remis la dignité là où il y avait de la honte, parce que cette lutte elle se faisait avec les doubles peines et parce que le discours de la société sur eux était déconstruit. Ainsi, ils ont imposé l'idée que ce n'était par exemple pas la CAM qui avait mis les gens dans cette situation, c'était un ensemble de lois infâmes. Et cette action coordonnée, elle a permis d'abroger des arrêtés d'expulsion ou bien des assignations à résidence. Il faut s'imaginer que le travail du CNDP, c'est la même démarche que celle de Amal Bentounsi 30 ans plus tard, rassembler des familles qui vivent un combat judiciaire identique pour se renforcer et pour lutter plus efficacement. Comme ça, on transforme un cas isolé en une question politique et on se renforce mutuellement. En plus d'avoir résolu le problème de nombreux doubles peines dans leur combat judiciaire, ils ont obtenu une avancée de la loi. Grâce à leur combat, la loi Sapin votée en 1991 a fait que les catégories protégées de l'expulsion administrative sont devenues aussi protégées de l'interdiction du territoire français. Quand les gens avaient fait l'objet d'une ITF, ils pouvaient demander à ce qu'elle soit levée. Donc ça, c'est une avancée qui est mesurable, quantifiable, leur lutte a apporté ça. Ça prouve encore une fois que le droit est un terrain de combat et qu'il est possible, quand on s'y penche et quand on en apprend les règles, il est possible d'obtenir quelques victoires qui vont avoir des conséquences sur la vie des gens. Une parenthèse, le terme lui-même « double peine » avait été inventé par les militants pour rendre compte de cette condition hardcore qui touchait les gens de l'immigration. Et ce terme ensuite est entré dans le langage médiatique qui l'a progressivement vidé de son sens. On peut quasiment parler d'une violence linguistique parce que utiliser ce terme à tort et à travers alors que historiquement il a été inventé pour décrire ce que vivaient ces véritables damnés, c'est ajouter du mépris au mépris. La commune, la résistance, ce sont des mots qu'on ne travestit pas, ils ont un sens historique précis que chacun préserve. Tandis que esclavage, double peine, nègre, ce sont des mots dont le sens a été brouillé avec le temps et qu'on utilise à tort et à travers, dont on fait même un nom commun, c'est une habitude lamentable. Si aujourd'hui on fait une recherche rapide dans l'actualité pour double peine, on va voir que ce terme est utilisé pour parler de locataires chez qui il y a un reflux d'odeur après des travaux de canalisation. Ou bien double peine pour le club de volley qui perd un match et qui a été privé de public à cause de la pandémie. Ou encore double peine pour les malades qui n'ont pas pu être opérés à cause du Covid. C'est aussi par ça que passe l'oubli, l'effacement, parce que les doubles peines ont été une figure de dignité. Leurs grèves de la faim ont marqué l'histoire des luttes de l'immigration. En 1990 marque aussi l'histoire parce que Nelson Mandela est enfin libéré. Il était entré au Congrès national africain, l'ANC, en 1943 pour lutter contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale qu'elle avait imposée. Puis il était devenu avocat, avait participé à la lutte contre les lois de l'apartheid mises en place à partir de 1948. En 1960, l'ANC est interdit et Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961. Cette branche militaire va mener une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Sur indication de la CIA, Mandela est arrêté en 1962 par la police sud-africaine et il est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et il bénéficie d'un soutien international croissant. Puisqu'un boycott semblable au boycott actuel du BDS s'organisera à travers le monde. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent extrêmement difficiles et après avoir refusé d'être libéré parce qu'il voulait rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990 et l'apartheid sera aboli un an plus tard. During our lonely years on the island, today, aujourd'hui, mon retour à Soweto remplit mon cœur de joie. En même temps, je reviens aussi avec une profonde tristesse. Tristesse d'apprendre que vous souffrez toujours du même système inhumain. Le manque de logement, la crise de l'école, le chômage et le taux de criminalité qui reste haut. La crise dans l'éducation qui existe en Afrique du Sud exige une attention particulière de notre part. La crise de l'éducation dans les écoles noires est une crise politique. Elle découle du fait que notre peuple ne peut pas voter et ne peut donc pas faire en sorte que le gouvernement actuel réponde à ses besoins. L'apartheid dans l'éducation est inférieur et est un crime contre l'humanité. L'éducation est un domaine qui nécessite une attention particulière. Ça veut dire l'attention de notre peuple tout entier, étudiants, parents, professeurs, travailleurs et tous les secteurs organisés de notre communauté. America, America, America, break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazism. This apartheid system is Nazism. Nazi, I'm a Nazi. This apartheid system is Nazism. Nazi, I'm a Nazi. Ce sont aussi les premiers contrats de ville en France. Donc en septembre, 60 sites sont choisis et c'est une annonce importante pour le gouvernement qui veut montrer à la rentrée une volonté forte pour les quartiers. Un mois plus tard, les quartiers s'embrasent. Le déclenchement, c'est à Vaux-en-Velin la mort suspecte de Thomas Claudio, le 6 octobre 90 dans le quartier du Mas du Taureau. Une voiture de police percute une moto, son conducteur et un passager, et ce dernier, Thomas Claudio, un jeune handicapé de 21 ans, perd la vie. C'est pas le premier jeune à mourir dans des conditions identiques. Ils sont une dizaine dans le Lyonnais à être morts de la police ou de la gendarmerie depuis 1981. La mort de Thomas Claudio, elle met le feu aux poudres et le jour même, des révoltes éclatent. Elles atteignent la ZUP du Mas du Taureau jusqu'au nouveau centre-ville avec l'incendie du centre commercial à un Intermarché. Ça va durer 3 jours et ce sera diffusé à la télévision. Et la télévision, elle utilisera des termes comme « guérilla urbaine » ou « intifada des banlieues ». Donc ça devient une question politique. Les personnalités diverses s'expriment sur le sujet, dont Nicolas Sarkozy, qui peut-être parce qu'il est dans l'opposition, sait trouver des explications raisonnables à ce qui se passe. Donc c'est Valeurs Actuelles qui l'interview et lui déclare que ces événements, ce sont le chômage et l'absence de formation des jeunes qui en sont responsables. Sauf que le même Sarkozy, une fois qu'il se trouve au pouvoir dans l'exacte même situation après la mort de Ziad Ebouna, Paix à leur âme, là il ira insulter les habitants des banlieues. Mourad Aghoun, qui était âgé de 18 ans à l'époque et qui plus tard est devenu élu au conseil municipal d'hiver gauche de Vaux-en-Velin, après avoir créé l'association Agora, dira que la révolte a fait découvrir à la France des pratiques policières indignes qui continuent et un apartheid social. Et suite à ça, ça va s'embraser Dans les quartiers nord de Marseille, au Val-Fouré, à Sartrouville, à Mantes-la-Jolie, ça va devenir un phénomène d'ampleur nationale à cause de l'écho que cette mort rencontre dans les autres banlieues. Alors pour Vaux-en-Velin, l'État a sa responsabilité dans l'embrasement parce que le préfet a insulté les habitants dans la presse. Il parle de gangs, de commandos mobiles qui agissent pour le compte de trafiquants de drogue ou de braqueurs. Il dit que c'est de l'intérêt de ceux-là que ça s'embrase. Il dit que c'est un problème de délinquance. Il accuse même le milieu d'avoir orchestré les révoltes et manipulé la jeunesse. On se trouve avec le gouvernement qui était en plein dans une campagne volontariste vis-à-vis de la banlieue, mais qui en même temps commande une gestion autoritaire de l'incident. Il va donc exploiter l'événement pour montrer qu'il prend les choses en main. La presse en parle beaucoup aussi, le débat s'impose, elle produit sur cet événement, elle donne la parole aux policiers, aux élus locaux, aux habitants. Le gouvernement tente d'analyser, les chercheurs aussi, comme François Dubé, qui appelle à y voir une protestation sociale. Parmi les sources profondes qu'il évoque, il y a le désespoir, la galère du fait du chômage. Et puis, il y en a d'autres, comme le maire Maurice Charrier, maire communiste, qui sont complètement à côté de la plaque. Comme ils se sont concentrés avec la politique de la ville sur l'image du quartier, sur la rénovation du bâti, ce qu'ils pleurent, ce sont les retombées économiques. Donc ils jugent plus durement l'explosion de colère que le fait policier qui a entraîné la mort d'un homme, d'un jeune homme en plus. Par contre, Maurice Charrier, il en veut à la police de ne pas être intervenu assez tôt parce qu'il dit qu'elle aurait pu tuer l'émeute dans l'œuf. Donc lui, il choisit la solution sécuritaire, sauf que le type est PCF. Et quand le préfet parle de commandos qui cherchent à déstabiliser le pays, le maire PCF acquiesce. Alors qu'est-ce qu'il fait en plus de ça? Il appelle au renforcement de la politique de la ville et il convoque tous les acteurs, dont des associations de jeunes qu'il a sélectionnées et qui sont susceptibles, selon lui, d'apporter leur aide. Il convoque aussi des organisations syndicales, des responsables locaux, PC, PS, RPR, des députés, des conseillers généraux. Et tous, évidemment, appellent à faire confiance à la justice, faisant mine d'oublier que, dans ces circonstances, la justice, elle participe à entretenir l'impunité. On est 9 ans après l'embrasement des Minguettes. Tout ce qui a été dit depuis sur le racisme et sur la police, tout ça, ça passe à la trappe. La presse rappelle quand même la longue liste de victimes de crimes policiers et sécuritaires, mais les autorités répondent à côté. Donc les autorités préfèrent criminaliser la révolte à ses morts, en évoquant la guérilla qui évidemment puise dans l'imagerie palestinienne, imagerie hyper présente dans l'actualité, puisque au même moment, il y a des affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Donc la presse, quand elle utilise le terme d'intifada des banlieues, elle fait du sensationnalisme, bien sûr, mais elle crée aussi les débuts de l'esthétique de l'émeute. Esthétique très racialisée, puisque pour les Arabes, elle renvoie à la Palestine, tandis que pour les Noirs, elle renvoie au mouvement pour les droits civiques. Évidemment, l'esprit de corps des policiers se manifeste. Les commissaires de police vont faire bloc face aux accusations de carence dans la gestion de l'émeute, et ils veulent être soutenus dans leur action répressive. Ils sont dans le registre de la prévention de la délinquance version répression, et c'est tout. Sur la mort de Thomas Claudio, ils n'ont rien à dire de particulier. Sur les interventions cagoulées dans le quartier pendant l'émeute, ils n'ont là non plus rien à dire. Et la presse rappelle d'ailleurs que légalement, les opérations de police doivent se faire à visage découvert. Imaginez le chemin qui a été parcouru depuis, à quel point les pouvoirs de police se sont accrus. Hasard du calendrier, au même moment, un crime sécuritaire est jugé. Il se solde par du sursis pour la mort d'un jeune arabe du quartier. Politiquement, les socialistes se retrouvent pris entre la droite qui leur reproche d'avoir laissé les émeutes se développer et qui attaque leur politique de la ville, et puis de l'autre côté les habitants des quartiers qui dénoncent le comportement agressif et humiliant des policiers envers la jeunesse des quartiers. Quelques jours après, s'ouvre à Paris le procès en assises d'un policier qui a abattu un jeune serveur algérien d'une balle dans le cœur. Donc toutes ces actualités se télescopent et dessinent une question politique nouvelle. Quant au maire PCF, pour aller au bout de sa traîtrise, il n'ira pas aux obsèques du jeune. Au mois de novembre, c'est Argenteuil qui brûle. Le gouvernement socialiste riposte en proposant des assises des banlieues. C'était pas à l'époque encore les Grenelles. Ils choisissent de les organiser dans le Lyonnais et au mois de décembre, le président de la République vient en personne présenter son plan contre l'exclusion sociale et pour améliorer les banlieues défavorisées. Si vous vous souvenez, il était déjà venu après l'embrasement des Minguettes. Cette fois-ci, il vient rencontrer les acteurs de la politique de la ville. Il rappelle évidemment les actions du gouvernement, les rapports, les instances qui ont été mises en place, la ZEP, le RMI, la loi Besson, l'intégration, les contrats de ville, la participation des habitants, etc. Et il offre deux choses, plus de moyens pour ces acteurs, et comprenons-nous bien, ce ne sont pas plus de moyens pour les quartiers, ce sont pour ces acteurs, et les projets qu'ils défendent pour le quartier, Et puis, une institutionnalisation de la politique de la ville, c'est-à-dire que désormais il y a un ministère de la ville qui sera aussi représenté auprès du préfet. Mitterrand évoque quand même dans son discours la remise à niveau des services publics, et c'est une manière pour lui d'avouer que ces zones sont sous-dotées, et il met en place une loi qui va permettre de puiser dans la dotation des communes. Mais il compense immédiatement en assurant que la présence policière va être assurée et il appelle les entreprises à faire preuve de solidarité nationale. Dans les participants à ces assises, il y a de nombreux maires qui viennent faire le bilan des débuts de la politique de la ville et qui font le constat de la ghettoisation dans 400 quartiers en France. Alors, la première journée, les discussions se mènent dans l'entre-soi. Le Monde nous dit que l'ambiance change quand, le deuxième jour, des militants d'associations et des jeunes venus des Minguettes et de Vaux-en-Velin s'invitent. Je cite « Français de souche ou descendants d'immigrés ont interpellé les officiels avec véhémence. Ils ont trompé la vigilance du service d'ordre et se sont invités pour y porter leur analyse de la situation. Roland Castro, Bernard Kouchner et Harlem Désir, ses invités, ont été pris à partie et secoués d'importance. » Dans le confort feutré du centre culturel de Bron, on a entendu des cris de colère et de désespoir. « Vous ne nous aviez pas invités », ont clamé les intrus, « mais nous sommes là pour vous dire que toutes vos mesures, c'est du pipeau. » Il a bien fallu écouter ces beurs raconter leur colère et révéler que leurs suppliques étaient restées sans réponse. Des Vaux-en-Velin, il peut y en avoir une centaine en France, aux alentours de Paris, de Lille ou Marseille, a convenu un animateur de SOS Racisme. On a parlé de l'émergence d'un néo-prolétariat urbain basané. Comme il y a un siècle se levait un prolétariat ouvrier, on a même accusé la politique de réhabilitation des grands ensembles d'aggraver leur situation de ghetto. Bref, ce fut l'heure de vérité de ces assises de banlieue 89 et il fallut 2 heures de palabres véhémentes autour de quelques assiettes froides pour que Roland Castro fasse tomber la pression et permette à M. Michel Rocard de délivrer lui aussi son message. Donc là, on voit clairement que les habitants qui n'entrent pas dans l'organisation de la politique de la ville sont des intrus. C'est comme ça que la presse les qualifie. Suite à ces assises, Delbar est nommé ministre d'État chargé de la ville et de l'aménagement du territoire. Et à partir de là, des moyens vont être déversés. Mais il faut vraiment se mettre en tête que c'est une politique de développement semblable à celle pratiquée par la France dans les ex-colonies. On a le sous-préfet délégué à la ville qui devient l'homme des sales besognes, qui est d'ailleurs après parfois recruté sur ses origines maghrébines, ce qui en fait une sorte de gouverneur. Et l'argent coule à flot sur des territoires indirectement privés de ressources. Donc des réseaux se créent, ça crée de l'activité économique, mais dont les quartiers ne bénéficient pas. Si on caricature à l'extrême, on peut dire que les quartiers, il y a ceux qui y habitent et puis ceux qui y travaillent. Et tout l'enjeu pour les habitants, ça va être d'arriver à court-circuiter ces réseaux pour capter une partie des fonds. C'est pour ça qu'on peut tout à fait faire l'analogie avec l'aide au développement français en Afrique, qui n'est jamais aussi forte que dans les territoires où il y a de la ressource à capter. Et derrière l'aide aux populations locales se cache en fait une exploitation qui entretient la pauvreté dans ces zones, qui sont des zones objectivement délaissées et sous-dotées. Et dans cette aide au développement, il y a toujours une poignée de personnes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu en s'enrichissant fortement. Et pour donner l'illusion de participation habitante, quelques initiatives locales sont montées en épingle, le fameux entrepreneuriat des quartiers, mais les initiatives associatives, économiques ou politiques qui ne servent pas à la stratégie de l'État, elles ne bénéficient d'aucun soutien, voire même elles sont combattues. Rappelons, mais ça sera plus tard, mais rappelons combien d'années de combat il a fallu pour qu'au Mirail, à Toulouse, il y ait une salle de sport pour les hommes. Combien d'années, des bâtons dans les roues à n'en plus finir pour que la seule activité sportive soit un cours pour les femmes sous le patronage des animateurs socio-cul. Donc, quelques associations sont distinguées, sur elles, l'argent se déverse fort, et puis l'aide au développement, elle cultive l'image d'un État qui est bienveillant avec les quartiers. Et cette image, elle est bien utile quand survient une mort violente, parce qu'il surviendra toujours une mort violente de la police, et que, à ces moments-là, la révolte fait rage. Là, l'État peut dire « avec tout ce qu'on a fait pour vous ». Mais ça continue de survenir, ces morts violentes, parce que la politique répressive, elle est maintenue, elle est accrue même, et la police est soutenue dans son déni permanent de droit. Voilà pour 1990, on se quitte avec un titre de Cool Maudit, sorti cette année-là, qui aurait dû être l'hymne du rap si l'industrie blanche n'avait pas mis la main sur cette culture pour en faire une arme d'autodestruction des quartiers. We'll be right back. I'm on a higher plane with a brain with a flame. Feel the fire, desire the same. Knowledge and wisdom and understanding possessed by God, transferred to man in a script or a book or a scripture that looks like a biblical writing, inviting the hook of a song. Sing along with a strong subliminal message divesting all men from criminal acts of the devil, revealed in rebel, designed to decline the mind to a lower level. Read the Holy Quran or the Bible, because it's liable to be a revival for the weak that see power. It'll bring infallible power. Knowledge is king. Now who wants some? Come get it. A battle is a test of wits and I'm with it. Heartbeats, torch, and I lit it. Set the world on fire, I did it. Now it feels good, I'm heating up. I feed off knowledge and can't eat enough. Cause knowledge is infinite, suckers ain't into it. Ignorance is bliss, and they're kin to it. They party and dance, and they don't ever glance at a book or look for their mind to advance. Caught in a rut, chasing butt, trying to get a dollar or a nun. Evil feeds off a source of apathy, weak in the mind, and of course you have to be less than a man, more like a thing. No knowledge or nothing. Knowledge is king. My knowledge comes from a spiritual force, stronger than any earthly source of propaganda, hype or slander. I don't believe the hype, I understand the media dictates the mind and rotates the way you think and think. Slow pace brains can't maintain, ascertain, insipid inane, crass, vain, insane, lame, tradition, all praise, fame, position. Wanna be a star, drive a big car, live bourgeois and don't know who you are. Lost in the sauce and praising the dollar, whether your faith is Christ or Allah. The knowledge of God will teach one thing, the dollar is moot. Knowledge is king. My rhymes make a weak mind anorexic. You can't hang without slang, so eject it. I've selected rhymes to wreck it, to affect the effect of a rhyme that left it. Hanging like a pound that can't come down, but you're hanging in the brain, so your brain is hellbound. Lost and found by the serpent sound, but you don't know can't hurt, that's profound. Absurd, some better word. An ignorant fool is a real cool nerd. Your pockets are fat with an empty head. Got a little bit of fame and a name and your brain dead. You count your dollars so you think you're in. You know how to count but you don't know when. Ask history today and it'll equal the future. Repetitive mistakes because the brain and the future need knowledge to understand the concept of sacrifice. But we don't understand, so we have to fight for killing people we never saw before. Some don't even know what they're killing for. Following rulers instead of the prophets. The wicked can rule ya, but knowledge can stop it. Souls can't be